J'ose plus doucher, moi j'suis posé. Regarde vif à la Kaiser Sosé. Aujourd'hui on sait que tout se négocie. T'entends glousser, c'est le sky dans le gosier. J'ai pas la tête de l'emploi, mais j'm'emploie à leur tenir tête. Là j'm'échauffe, ça va laisser un froid. Change de prod, ça les choque car j'ai plusieurs facettes. Pour tes embrouilles, j'ai pas le temps. En détente, j'esquive toutes les catins. La pression sociale sur la tempe. Jamais blanchi, regarde bien, j'ai pas le teint. Là j'repense à ces cœurs serrés. À la peine ma famille d'être incarcéré. L'espoir finit par s'immoler. C'est mon champ lexical que tu pars sillonner. Frère, le rap c'est ma vie, depuis tout petit et c'est passionnel. Si je te dis que tout va bien, c'est qu'avec toi je suis pas si honnête. En cardio qui va rivaliser, entraîné pour courir à ma perte. En marche finit par s'isoler, je suis toujours bourré quand je m'invite à ta fête. Les temps changent, on ne partage plus rien, maintenant ça fait que de reposter. Que ça casse des reins, self-défense sur le terrain, ça fait que de riposter. Réveillé par des alertes qui nous viendront en aide si les keufs nous arrêtent. Me parle pas 3-5-7 imbécile quand on dit de mettre du plomb dans la tête. Y'a trop de sucre dans le coca, donc c'est plus que je pars siroter. Ça peut se finir en cocard, j'suis sorti du droit chemin car j'sais pas piloter. À force de lancer des pics, on finit par s'y frotter. La gorge niquée à gazer, ils diront que j'suis au-dessus comme Georges Mikotadze. Ouais la vie est mauvaise, pour un mauve tu peux finir en chaise. J'ai dépassé le 16, car moi j'suis l'élève qui a dépassé le maître. J'ai raté mon envol, appelez-moi BR ou bien Apollo 13. Je ressens plus rien, même ta drogue se digère facilement comme des pâtes bolognaises. Faut une filiale polonaise et des putes comme Vincent Bolloré. Radical, faut des grosses coronesses pour aller chercher des liasses colorées. Si ta mort se dessine, rien ne sert de vouloir se cacher. Quand les porcs me désignent, je deviens agressif comme le Fenerbahçe. Toi tu me parles de souffrir, n'oubliez pas qu'il y a le Pakistan. Sont tous là à soutenir, au final aucun bras qui se tend. La vie c'est une course de fond. Que ça double afin de passer en tête. C'est dans le double fond. J'ai carafe des textes, faudra patienter. Ça pour Carrefour un kill. Je connais personne qui a monté un empire. J'ai découplé lapide et mes textes résonnent comme ton phone mais en pire. Combien ont menti, par intérêt voudront t'anéantir. On oublie toutes les règles mais on maîtrise les maths. Tu peux parler en chiffres. Là je casse la rythmique, j'accélère comme ce fou du volant. Y'a plus aucune logique, même Choumi a fini dans un fauteuil roulant. Ouais le blast c'est BR, c'est fini, tu pourras plus m'appeler l'inconnu. J'suis venu choquer des têtes, j'ai fico TV dans toute ma commune.